Oui, j'avais envie de dire que la culture, c'est politique, évidemment. C'est très politique. Il était 22h30, presque 23h. J'étais dans ma bagnole, j'attendais quelqu'un. Et je voyais un groupe de gens qui sortaient du théâtre. Et ils étaient tout lumineux. Ils étaient tout souriants. Ils causaient. Tu sentais qu'il s'était passé quelque chose, quoi. Qu'ils avaient vécu quelque chose ensemble. Ils avaient fait quelque chose de commun. Ils avaient vécu quelque chose de commun, quoi. Ensemble, en vrai, dans la vie, quoi. Au théâtre. Ils avaient communié, quoi. On pourrait dire ça. Ils ont communié. Comment ne pas défendre absolument cette idée de faire du théâtre aujourd'hui? Surtout quand ça roule, quand il y a de l'expérience, quand il y a quelque chose à dire, quoi. Allez. Ève Bofanti, elle dit la réunion de vivant ensemble. Ça, c'est du théâtre. Ça, c'est le théâtre aussi, quoi. La réunion de vivant ensemble. C'est vrai, c'est tellement vrai. Bon, on s'écoute. Ève Bofanti, Yves Unstad et Philippe Mabi. Mais avant, on écoute Lourdon. Monsieur, donc, vous critiquez, mais enfin, comment vous rendez votre critique performative à un moment? Ah, Comment vous lui mais donnez de ça, ça l'action? c'est pas moi qui l'appartient Vous allez à la poste, vous allez chez oui. Weave, Ah, mais que vous ne ah, connaissez pas. non, non, non, non. Quand, Bien sûr, comment vous faites? je vais à la poste. Parce qu'on vous. Et si j'avais des enfants, si ça se trouve, je les enverrais dans l'enseignement privé. Je peux même pas l'exclure. Et vous savez pourquoi? Et je ne trie pas mes déchets, et des fois mes robinets ont la goutte au nez. Et je vais vous dire pourquoi. Cette question-là c'est vraiment, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est une question qui est une expression quasiment pure et parfaite de la métaphysique néolibérale, c'est-à-dire qui fait peser sur les individus séparément la charge de changer le système. Les individus jouent le jeu dans le système comme il est. Et moi, pour envoyer du courrier, j'ai besoin de la poste. Et même si la poste se comporte de manière ignominieuse, je dois en passer par la poste, si vous voulez. Et donc, en Bah, fait, par ma exemple, question. attendez, j'ai de la marque partout sur mes freins, sur les fesses, hein. Ça, c'est Zara, ça, c'est Gap, etc. Donc, je veux dire, c'est des gens que je n'aime pas. Mais en même temps, je ne peux pas aller cul nu, vous comprenez? Donc, si je voulais être conséquent, je veux dire, même si j'avais des fringues achetées au marché ou je sais pas quoi, qui m'auraient coûté 2,50 €, ça n'en puerait pas moins la transpiration d'un ouvrier exploité quelque part au Bangladesh, etc. Donc les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste. Il ne faut pas leur demander séparément de les vaincre à eux seuls par la force de leur petit comportement individuel. On peut trier les déchets tant qu'on veut, je veux dire, pendant que la Chine rentre dans la mondialisation charbonnière, vous voyez ça d'ici, ou fermez vos robinets, ça, je veux dire, ça fait faire à Veolia l'économie de l'entretien de son réseau, quoi. Bon, donc vous voyez, c'est des trucs qui se jouent à des niveaux extrêmement élevés, là où on configure les grandes structures, celles de la concurrence, celles de la financiarisation, etc., etc. Et moi, je pense que les libéraux sont des grands marxistes à l'état pratique. Justement, on voit bien là, votre vision marxiste. Enfin, on n'est qu'un homme face à l'histoire, on ne peut rien. Très bien. Mais vous, Ah. en tant que groupe Oui, mais non. d'économistes atterrés, C'est comment pas vous qu'on. faites porter votre critique? C'est pas qu'on Enfin, peut rien, vous c'est n'êtes qu'on. pas emporté par les forces historiques, quand Oui, mais même. bien sûr que si, Justement, comme tout le monde. mais vous vous révoltez contre. Ah, mais ça n'a. Je veux dire, Donc, ces deux propositions ne sont pas contradictoires. à ce moment-là, mais pourquoi se rebeller alors si ça ne sert à rien et qu'on va Ah, mais être parce que, emporté? écoutez, je vais vous dire, si je me laissais aller jusque dans ces dernières conséquences à l'analyse rudement lucide que je prends du monde, j'irais me chercher une grange avec une corde, quoi, et ça serait terminé. Mais heureusement, comme Spinoza l'a dit, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Et donc, je suis plus en colère que je ne suis rationnellement lucide. Alias, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, et patati et patahouette. Vous voyez, c'est ce genre de trucs qui nous meuvent. Et des fois, on a des coups de calgon et on se sent vraiment très minoritaire et très dominé partout. Je veux dire, on vit dans un système qui est incroyablement hostile, qui est incroyablement adverse, qui ne nous a jamais laissé la parole pendant 30 ans. Enfin, vous voyez, donc comment nous faisons, Mais vous nous l'avez. ramons à contre-courant comme nous pouvons. Bon, voilà, alors eh ben, on s'est réunis et puis on fait ça. Ça fait un petit quelque chose. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien, quoi. Micro ouvert. 1, 2, 3. C'est parti. Alors, pour la rencontre ici avec trois personnes autour de la table, ça se passe à Bruxelles. C'est. La commission des arts vivants. C'est pas marrant ce qui se passe, hein, même si on a tous le sourire. Vaut mieux quand même, hein, vaut mieux quand même, quoi. Moi, j'y vais comme ça de but en blanc. Après, on va se rencontrer, mais il vaut quand même mieux en rire qu'en pleurer. Je lâche ça comme ça. Mais on peut en pleurer aussi, hein, non, je veux dire. Ça fait partie... On ne va pas pleurer. On est plutôt en colère, mais pleurer, on ne va pas faire, non. Non, ça, c'est sûr. Et on vient d'entendre... On va combattre ce qui se passe, ça, oui. Donc c'est Ève, je ne sais pas si je le prononce bien, Bonfanti. Oui, c'est ça, Bonfanti, si tu veux. Oui. Bonfanti, c'est... Il y a Yves Unstadt. Oui, tout à fait, ça c'est moi. Et alors la troisième personne. Et celle qui n'était pas prévue, Philippe Mabi. Eh bien, enchanté tous les trois. Alors moi j'avais envie de commencer comme ça parce que, voilà, on n'est pas des intimes, je ne vous connais pas, j'ai entendu parler de vous... dans le milieu du théâtre, quoi. Oui, par des gens qui font du théâtre. Et vous êtes, voilà, c'est mythique, quoi, il paraît. Voilà. Donc, on ne se connaît pas. Il paraît que c'est dangereux d'être mythique. oui, je trouve c'est aussi, dangereux. Parce que ça... voilà. Ouais. Mais après, il y a un film qui a été... On est dans la réalité, alors. Ouais, c'est vrai. Est mythique. Et voilà, c'est ce qui se passe. Il nous évacue de la réalité. C'est qui, ce « il » Bah, le ministère de la Culture. Alors... Pour dire aussi, j'ai vu le film qui a été fait. Ouais. Comment ? Le plaisir du désordre. Voilà, le plaisir du désordre. Et donc, j'ai pu un peu percevoir, mais avec un film, vous voyez. Puis ça... Mais c'est théâtre, hein. Tu dis ? Je dis, le film, c'est pas du théâtre, hein. C'est un non, film. Oui. Et c'est un documentaire. Mais... Voilà. Mais ça raconte quand même un peu des choses sur vous, si on veut rentrer un peu dans la matière, quoi. Et ça montre aussi votre manière de travailler. Ouais. Hein. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super. Parce que c'est une autre manière de travailler que vous proposez aussi. Oui. Mais maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre ? C'est la commission des arts vivants, c'est un indice. Il n'y a pas eu de subside. Il n'y a pas eu de subside pour votre compagnie, La Fabrique Imaginaire. Il n'y a plus de subside pour La Fabrique Imaginaire. C'est ce qui a été décidé, donc on l'a appris le 17 novembre. C'est fini, c'est zéro. Donc, mais sans subvention, c'est très difficile de continuer. Quand on dit plus de subvention, ça veut dire plus de subvention, vous ne pouvez plus aller en chercher ailleurs. Quoi, ça veut dire plus de subvention, vous aviez... une subvention qui finançait toute votre compagnie. Non, alors là, ça c'est Philippe qui va parler parce que il va expliquer comment ça fonctionne. De toute façon, on peut pas aller chercher de subvention ailleurs puisqu'il n'y en a pas ailleurs. Mais je pensais qu'il y avait moyen d'aller plus tard dans l'année en trouver ailleurs. Non, c'est parce que là c'est un contrat programme de 5 ans. On a demandé un contrat de création de 3 ans pour un nouveau projet. Qui s'appelle Apparition, qui s'appelait il y a un an, une conférence imaginaire sur le théâtre, et qui maintenant, qui a évolué évidemment en un an, qui maintenant s'appelle Apparition, et qui est déjà, évidemment, qui a déjà évolué depuis ce qu'on a écrit dans la demande de contrat de création. Mais Philippe, tu peux expliquer comment ça fonctionne, et l'affaire des fonds propres, comment on fonctionne financièrement, économiquement. Toi, tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais simplement dire que ce qu'on reçoit du ministère, c'est une certaine somme d'argent qui permet à la structure d'exister. Et donc, cette structure, une ASBL, voilà. La Fabrique Imaginaire, c'est quoi ? Ben c'est des personnes, c'est un administrateur, en premier lieu, qui gère toute la structure au niveau des finances, des projets, des budgets, de la réflexion sur la production, ce qui c'est la base de tout. Et puis, c'est une directrice, un directeur de artistique qui est dans ce cas-ci, nous, et aussi les auteurs, les deux auteurs des projets qu'on écrit, les deux actrices et acteurs des projets qu'on écrit, les conceptrices, concepteurs. Et donc, on se présente comme un duo d'artistes. Mais l'argent qu'on reçoit du ministère sert à ce que la structure puisse exister. Alors, si on enlève ça, la structure n'existe plus. Après, quand on joue des spectacles, ben, effectivement, on peut avoir parfois des bénéfices, pas dans tous les cas. Et ces petits bénéfices s'additionnent et sont réinvestis dans l'écriture et dans les nouvelles créations. Mais c'est des choses complètement différentes. Oui, moi, je faisais peut-être référence aux appels à projets. Ça, c'est encore différent, quoi. C'est ça, hein, les appels à projets. On peut... lancer un appel à subsides suivant, c'est ça. Un appel à projet, par exemple, il est directement déjà, on te le dit dans l'appel à projet, tu réponds à cet appel à projet pour tel. C'est très précis. Okay. Alors que là, la vie d'une compagnie, et la vie de la compagnie La Fabrique Imaginaire, avec Eve Bonfanti et Yves Enstadt, ce duo d'auteurs, de comédiennes, de metteurs en scène, de concepteurs de spectacles, ben, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur liberté artistique de créer eux-mêmes leur propre spectacle. Donc, on peut. Et ça, pas forcément, ça va aller rencontrer un appel à projet, par exemple, tu vois. Et donc, en plus, ce qui est intéressant dans un subside, comme le propose la FOEB, hein, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est des contrats sur 5 ans. Donc, il y a une visibilité à long terme, à moyen terme, on va dire, pour une compagnie de pouvoir créer, de pouvoir se développer. Je crois que c'est aussi important, le mot développement, et de pouvoir tourner des anciens spectacles et des futurs spectacles. Et donc, tout ça, c'est un écosystème qui est rendu possible par une subvention sur 5 ans. Et puis là, aujourd'hui, ben, on nous dit ciao, merci, au revoir. Eh bien, c'est compliqué, forcément. Et puis surtout, on n'est pas d'accord. Mais comment c'est possible aussi de dire ciao, ciao, au revoir comme ça, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est vraiment la question qu'on se pose. On ne comprend pas. Surtout qu'on est on pourrait dire la seule compagnie de théâtre adulte qui s'est vue retirer sa subvention, alors qu'on est en pleine activité, qu'on est présent ici jusqu'au mois de juin à jouer des spectacles en Belgique, en France, au Théâtre de Poche, dans un festival tout bientôt ici. De paroles d'humain à Verviers. Yves, que ça tourne, quoi. Que c'est pas comme si vous étiez des vieux de côté qu'on entretient comme ça pour rien, quoi. Ça tourne, ça tourne. Dans les faits. De Belgique avec 15 millions de subventions pour ne rien faire. Je ne suis pas le prince Laurent, bien que je m'appelle Philippe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je ne sais plus maintenant ce que je veux dire. Ah. On parlait de, avec toi là, de la structure, ici. De ce que c'est qu'une subvention, qui est une structure pour financer une structure. Pourquoi on n'en a plus? Ben voilà, les réseaux, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Surtout quand on a demandé un contrat de création sur 3 ans pour créer un spectacle qui est, en plein dans l'actualité d'ailleurs que défend. Le ministère de la Culture, qui est de favoriser les jeunes compagnies. Et notre nouveau projet, celui qu'on veut écrire, et celui pour lequel, normalement, on devait avoir des subventions pour que la structure existe, pour qu'on puisse le faire, c'est même pas l'argent pour le faire, c'est juste que la structure existe pour pouvoir le faire. Et comme une masterclass fictionnalisée pour le public, un cours de théâtre magistral dans lequel on va dire en 2 heures de temps, on dira tout ce qu'on a constaté comme magie dans le fonctionnement du théâtre, dans l'acte d'écrire, ce que ça a d'important, enfin la position philosophique, et aussi les mystères du jeu, les mystères de l'invisible, comment, comme vous parliez du chien tout à l'heure, comment effectivement un chien peut exister dans les yeux des gens. C'est-à-dire comment, avec conscience, on peut, dans le cerveau des autres gens qui regardent, placer quelque chose avec conscience. Parce qu'au départ, on fait ça de façon instinctive. Mais nous, on s'est intéressé à savoir comment ça se passe, comment on peut avoir la conscience profonde de ce qu'on fait sur le plateau avec notre corps, avec notre intention, pour placer les choses à tel et tel endroit du cerveau, pour faire évoquer des choses. Donc, raconter tout ça, c'est magnifique. Surtout pour des actrices, des acteurs, pour le public aussi, bien sûr, mais pour tout le monde, pour se rendre compte. Avec votre expérience de malade, disons-le, quoi. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur de le dire. Parce que quand on donne des masterclass, c'est absolument... une aventure extraordinaire, pour autant pour nous que pour celles et ceux qui participent à nos ateliers. Parce qu'on rentre dans la profondeur des choses et dans le mystère du théâtre, et c'est absolument magnifique. Et donc face à ça, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on est dans le propos. Et ce qu'on demande, c'est écoutez, on demande 120 000 euros. Ce n'est pas pour faire le spectacle, ça. C'est juste pour que la structure existe. Après, c'est parce qu'on joue, c'est parce qu'on va avoir des coproductions et des choses comme ça qui vont nous aider pour le faire. Mais l'argent qu'on reçoit, ce n'est pas pour faire le spectacle. C'est pour que les choses fonctionnent, pour pouvoir le faire. Milliards, quoi, c'est 100 000, c'est ça. On ne les a jamais eu, hein, les 100 000. Non, jamais. On a toujours demandé, voilà. On a toujours eu 75 000 et on est indexé à 90. On était indexé à 90, maintenant. Terminé. Donc, alors, pour le commun comme ça, ça nous permet quoi ? L'administrateur, normalement, il devrait être à temps plein. Il est à mi-temps parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent que pour avoir un temps plein. Il devrait y avoir une personne à la diffusion engagée. Nous, on devrait être tous les deux, en tant que tout ce qu'on fait, on devrait être engagé tous les mois. On n'est pas engagé par mois. On n'a jamais été, on n'a pas de contrat à l'année. Donc, on est engagé quand on répète et quand on est en tournée. Donc, ça veut dire qu'on est dans un minima d'économie. Et ce qu'on demande, c'est vraiment peu. C'est très, très peu. Et donc, pour moi, c'est un scandale de nous empêcher d'avoir cette petite somme. Parce qu'on est humble, parce qu'effectivement... Et en plus, ici, on s'est dit, allez, on va demander 3 ans... pour ce spectacle. On aurait pu aussi demander 5 ans. On s'est dit, 3 ans, c'est honnête, on verra bien ce qu'on fait au bout des 3 ans. Voilà. Donc, c'est incompréhensible. Surtout que, dans la commission d'avis, ce sont nos consoeurs, nos confrères. Alors, ils étaient 6-7, je ne sais pas combien ils étaient, puisqu'on ne veut pas nous le dire, a décidé que nous, non. On est les écureuils de la forêt qui ne peuvent plus aller sur les branches. Et pourquoi les écureuils ne peuvent plus aller sur les branches ? Parce que nous, on a une particularité, une façon de faire du théâtre qui est particulière et qui s'additionne à toutes les autres, mais qui est unique, comme certains autres sont uniques. Et donc, pourquoi les écureuils ne peuvent plus courir sur les branches de la forêt ? Comment la forêt va comprendre ça et comment la nature va comprendre que les écureuils ne peuvent plus aller sur les branches d'un arbre. Voilà, ouais. C'est ça qu'on ne comprend pas et c'est pour ça qu'on va se battre pour comprendre ça et pour changer les choses, pour que ces gens se disent « mais oui, non, on s'est trompé, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça ». Et de changer et puis de nous dire « voilà, excusez-nous, on va vous donner les 120 000 euros que vous nous demandez ». Parce que d'habitude, on en demande 80, on en reçoit 70 ou 60. Voilà. Pour moi, c'est un minimum au niveau de l'art, surtout qu'on représente, beaucoup le théâtre belge à l'étranger. Et si on ne joue pas beaucoup en Belgique, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne nous le demande pas. Donc c'est ça. Donc on joue aussi à l'étranger parce qu'ils nous demandent, eux, de venir jouer. Mais demandez-nous de jouer en Belgique, on jouera beaucoup plus en Belgique. Hein. Donc, ce n'est pas de notre faute si on n'est pas beaucoup présent en Belgique. Ça, il ne le reproche pas, ça. Pas vraiment. Non, je ne crois pas. Mais peut-être que derrière, il y a ces sous-entendus, et c'est ça aussi qui nous fait mal. Mais on va jouer en Belgique au mois d'avril, on va jouer au Théâtre de Poche en avril. La tragédie comique, tout le mois d'avril, c'est déjà complet. Depuis un mois et demi. Donc, on a du mal à comprendre parce que le public nous suit. On a beaucoup de lettres de soutien du public sur les réseaux sociaux, par des lettres manuscrites, par des lettres envoyées à la ministre, qu'on a les copies. On a lancé une amie à nous a lancé une pétition. On est déjà à presque 1800 signatures en même pas 3 semaines. On a du public. On est plutôt aimé, on est content, on travaille beaucoup. Hein. C'est pas un métier facile de travailler dans la culture au XXIe siècle. Et la subvention, elle est le garant de cette capacité à pouvoir créer, à pouvoir échanger avec le public, à échanger avec les autres artistes également. Et puis avoir une camionnette, avoir un local pour entreposer les décors, pour payer les factures d'électricité. C'est pas de l'argent pour partir en vacances. Il faut bien que les gens sachent que la subvention, ce n'est pas un dû, effectivement. Mais c'est un moyen qui permet aux artistes de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs idées. On aimerait que ça soit pour beaucoup de monde. Ce cas-ci, on a fait rentrer des nouvelles, des jeunes compagnies, et ça c'est très bien, et bravo au ministère de la Culture de l'avoir fait. Mais pourquoi enlever aux uns pour donner aux autres? Non, il faut que le budget il augmente, mais pour tout le monde. Et c'est ça, et c'est cette vision-là qu'on défend aussi. On pensait la partager avec ce gouvernement. A priori, je crois qu'on n'est pas d'accord sur les moyens et peut-être surtout sur les finalités. Ça s'est passé mi-novembre, si j'ai bien compris. Vous avez eu l'annonce de la chose mi-novembre. Le 17 novembre, oui. On est le 10 oui. janvier. Depuis, vous avez essayé, je sais, hein, vous venez de le dire, mais j'aime bien, comme ça les choses sont claires. Vous avez téléphoné au ministère pour demander des que ce soit clair, c'est quoi les raisons. Ça, c'est une question. Oui, on a rencontré le cabinet de la ministre, assez rapidement d'ailleurs. Et on était plutôt heureux et confiants. Et c'est une fin de non-recevoir. C'est non. Non, on ne vous a pas reçu. Ah ben si, on nous a reçus, mais on nous a dit, ben non, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, pourquoi? Parce que moi, j'ai des arguments. Enfin, nous avons des arguments. On a un rapport d'avis de la commission qui raconte des histoires. Mais des histoires qui ne sont pas vraies. Alors, si c'était sur un plateau, moi, je dirais, oui, c'est de la fiction, c'est normal, c'est sur un plateau de théâtre. Non, non, mais là, on est dans la vraie vie, là. Hein. Là, il y a des gens qui travaillent avec la Fabrique Imaginaire. Il n'y a pas que 3 personnes à table aujourd'hui. Il y a des costumiers, costumières, des ingénieurs du son. Je n'ai pas compris ce que tu disais juste avant, entre là. Tu dis quoi? Il y a des gens qui ont raconté des choses fausses sur... Ah ben... Dans le rapport de l'avis de la commission, oui, il y a des choses qui sont fausses. Un truc très bête. Dans notre projet sur les 3 prochaines saisons, donc 2024, 2025, 2026, on imagine qu'avec la future création qui s'appelle Apparition à l'heure actuelle, on va aller faire le Festival d'Avignon. On va aller jouer au Festival d'Avignon en juillet 2026. Et on dit éventuellement... Voilà, c'est dans le projet, mais vous savez, 3-4 ans avant, hein, puisqu'on l'a rendu en 2022. Hein. C'est vous qui dites ça dans votre dossier. Ça dans notre projet. Et on nous reproche, la commission nous reproche, mais c'est pas dans le budget prévisionnel de 2025. Ben, forcément, puisque c'est Avignon 2026. Donc on ne comprend pas. On nous reproche, par exemple, de vouloir... Et là, je suis sur des trucs qui sont tellement ridicules que j'ai même honte d'en parler à ce micro. On nous reproche de sur 2 ans et demi, 3 ans de création, donc de répétition, de travail, de louer pour 8 000 euros de salle de répétition. Et on nous reproche ça. Et puis moi, j'ai refait mes calculs. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. 8 000 euros sur échelonné sur combien? 3 ans. Ouais, ça te fait rire, tu vois. Pour pouvoir répéter. Parce que... Une salle de répétition, ça coûte entre 100... Si on a de la chance, c'est 150 euros par jour. Plus le chauffage, l'électricité. Et oui. Donc après, pourquoi sur 3 ans? Pourquoi autant de jours de répétition? Parce que c'est une écriture plateau. Alors, qu'est-ce qu'une écriture plateau? Eve va vous l'expliquer. Mais avant de rentrer dans... Oui, ça, c'est le cœur du sujet aussi. Hein, que c'est quoi l'écriture du plateau, comme vous dites? Moi, je voudrais aussi ajouter que ces réflexions de l'avis de la commission, et tu pourras même l'expliquer mieux, font que je pense que le public peut penser, mais enfin, pourquoi on leur a arrêté leur subvention? C'est qu'ils ont mal géré leur truc. Ils ont mal géré, ils ont pris de l'argent. Pourquoi, si ce sont des bons artistes? Et ils le reconnaissent dans l'avis de la commission. Ce sont des très bons artistes, reconnus partout. Donc c'est qu'ils ont fait quelque chose de faux Quand tu parles, il, c'est la compagnie, quoi. C'est la fabrique imaginaire. C'est quelque chose de pas bien pour être sanctionné comme ça à zéro. C'est sûrement qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé. Ça jette l'opprobre sur la compagnie. Ça, déjà dans le public, je trouve que ça jette l'opprobre et que c'est épouvantable à vivre pour nous. Parce que c'est complètement faux. Parce que la gestion, elle est bonne, Philippe peut vous le prouver. Et ça peut être prouvé. Oui, et puis... Philippe, il fait partie de la compagnie. Ouais, tu vois, c'est pas un bon argument, là. Comment c'est pas un bon argument? C'est un très bon argument. C'est vérifié, ça. C'est l'administration qui vérifie. Tout est vérifié et étudié par l'administration. Les comptes, ils sont pas comme ça... jeté comme ça en l'air. Tu veux dire que c'est vérifié plus haut, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est pas vérifié par Philippe lui-même. Non, c'est... Oui, un peu, parce qu'il faut bien que je sois payé pour faire quelque chose. Tu veux dire vérifié sur... Enfin, ouais. Mais vous êtes ensemble, quoi. Oui. Non, mais ce que veut dire Eve aussi, c'est pourquoi je peux le prouver, c'est parce que chaque année, donc depuis chaque année, on envoie un rapport d'activité et avec la comptabilité. Et de ça, depuis ces cinq, donc le dernier contrat programme, les dernières subventions, donc c'est sur 5 ans, subventions, je le répète, et le dernier, c'était 2018-2022, prolongé jusqu'en 2023, parce qu'il y avait eu le Covid. Ben, il y a un rapport de l'administration qu'on a en notre possession, que la commission d'avis avait à sa possession, et qui ne dit absolument pas, bien au contraire, qui dit que c'est une très bonne gestion, qu'on a rempli les missions. Parce qu'on signe des contrats avec l'administration. Hein. Pour avoir de l'argent, il y a un contrat qui est signé, hein, en bonne et due forme. Hein. C'est pas on tape dans la main et prenez votre argent et rendez-vous dans 5 ans. C'est vrai que ça pourrait être comme ça aussi. Hein. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. C'est vrai aussi, mais en l'occurrence... Pas dans ce cas-ci. Mais en l'occurrence, ça fait quand même longtemps que ce n'est plus comme ça, parce que les deniers publics, ils sont quand même... l'administration essaye de bien les gérer. Et en tout cas, nous, on est surveillés, on est contrôlés. Les copinages, ça existe, quoi. Enfin, oui. Non, mais ça, bien sûr, le copinage peut exister. Mais là, l'administration, ils ont... Là, vous n'êtes plus copains. Ah ben, l'administration. Mais moi, j'ai pas. Ouais. Mais on n'a pas à être copains. Nous, on a un rapport d'administration qui dit bravo. En fait, on parle des recettes propres. Hein. Qu'est-ce que c'est les recettes propres? C'est quand on vend des spectacles et qu'on fait un bénéfice sur la vente du spectacle. Eh ben, on avait dit avec l'administration, on a passé un accord en disant il faut un minimum de 20% de recettes propres pour la fabrique imaginaire de 2018 à 2022. Et ça, c'est fait? Eh ben oui, puisqu'on a une année 23%, une autre année 40%, une autre année 30%, et puis l'année 2021 de mémoire, ou 2020, je ne sais plus, Covid, on a 9%. Ben, ça, c'est normal. Et puis voilà. Et puis après, on fait un budget prévisionnel et on est toujours à 30, 40, 50% de recettes propres. Eh bien, tu sais pas quoi, la dernière que j'ai appris hier, et tout le monde peut le voir, c'est il suffit de taper Commission de l'enfance et de la culture de la FOEB, 19 décembre 2023. Il y a un député qui pose une question sur notre mise à l'écart et sur le fait que la fabrique imaginaire n'a plus de subvention. Et la ministre répond que la commission, attends, je mets mes lunettes, je relis parce que j'ai encore du mal à croire à ce que la ministre a pu dire. La compagnie, la fabrique imaginaire, dégage d'importantes recettes propres. Donc c'est une bonne gestion. Ah, voilà, c'est ça le truc. Voilà, j'ai compris. Mais la commission estime la subvention non prioritaire. Voilà le reproche qu'on fait à la fabrique imaginaire parce que c'est une compagnie qui est bien gérée, qui vend ses spectacles, qui tourne, qui rencontre le public. Faut-il faire du mauvais spectacle? Faut-il être ne pas vendre ses spectacles, ne pas tourner, ne pas rencontrer le public? C'est comme ça qu'on doit faire pour avoir des subventions? Je ne sais pas. Mais quand elle dit ils n'ont pas besoin de subventions parce qu'ils ont des recettes propres, d'abord ça fait partie du décret, on répond au décret, mais le grand public peut aussi penser « Oh, ils ont plein d'argent ». Ils ont plein d'argent, ils ont des recettes propres. C'est ce qu'on entend, ça aussi. Mais c'est ce qu'on entend, ils ont des recettes propres, ils ont plein d'argent, et ils veulent l'argent public en plus. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vicieux, c'est vicieux de raisonner comme ça. Les recettes propres, elles sont injectées, réinjectées dans la création, puisque la subvention sert au fonctionnement. C'est ça. Donc c'est vicieux de dire ça, De nouveau, ça jette l'opprobre sur la compagnie. Alors, de nouveau, c'est dans le grand public en tout cas. Oui, parce que c'est faux, parce que la ministre devrait défendre la bonne gestion d'une compagnie, et deux, elle ne doit pas jeter l'opprobre en disant « Mais qu'est-ce que vous en faites alors de cet argent ? Donc on n'a pas besoin de vous donner une subvention. » Mais si, cet argent, ces recettes propres, c'est-à-dire ces bénéfices, pour comprendre simplement, ces bénéfices, ils sont réinjectés dans la recherche, dans le travail, pour créer de nouveaux spectacles. Et puis après, on est aidé par des coproducteurs. En coproducteurs, ce sont souvent des théâtres, des lieux, des gens qui aident, des structures qui aident. Mais sur 2 ans, 3 ans de travail, c'est un budget entre 100 000, 200, 300 000 euros pour faire une création. Donc c'est pas... Bien sûr, il n'y a pas à payer que Eve Bonfanti, Weinstadt et comme artiste. Mais non, il y a d'autres artistes. Il y a la création lumière, il y a la création du son, il y a la scénographie, il y a les décors, il y a les costumes, il y a les assistants, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour. Une compagnie, ce n'est pas que... En tout cas, la Fabrique Imaginaire, ce n'est pas, comme on nous le reproche aussi, que 2 personnes. Ben oui, ce sont les créateurs de cette compagnie, ce sont les auteurs de cette compagnie, ce sont les metteurs en scène de cette compagnie, ce sont les concepteurs et les comédiens de cette compagnie. Mais il peut y avoir d'autres comédiens qui vont arriver pour jouer ces spectacles ou ce nouveau spectacle. Enfin, tout ça, c'est une évolution. La création, c'est au jour le jour. Ça se construit, ça avance, c'est pas figé. On peut pas dire, tac, c'est comme ça, ça sera comme ça et on n'en démord pas. Non, non, non, on avance. Les rencontres, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, les spectacles qu'on a vus, ça peut donner des nouvelles idées. Et donc, en fait, il y a tout un écosystème. Donc, il y a d'autres gens qui travaillent dans cette compagnie. Et ça, on les paye aussi parce que les spectacles sont bien vendus dans la francophonie, en France, en Suisse et au Québec. Parce qu'ils ont un peu plus d'argent et qu'ils payent un peu mieux les spectacles qu'ils achètent. Et puis c'est aussi parce qu'on a eu des partenaires depuis des années et des années en France, en Suisse et au Québec. Et c'est les lettres de soutien que la ministre a dû recevoir, mais je ne sais pas si elle connaît le théâtre, en fait. Et le mode de fonctionnement d'une compagnie. Si elle est... Oui, si... J'allais dire une bêtise. S'il est déjà venu vous voir, je veux dire ça, il ne faut pas imaginer. Mais ça pose la question aussi de la politique. Hein, qu'est-ce que c'est d'être ensemble ? Qu'est-ce que c'est des gens qui donnent de l'argent à des compagnies qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils ne connaissent pas ça pose aussi cette question-là. Mais j'avais aussi envie de dire, mais tiens, pourquoi vous n'envoyez pas balader, c'est facile à dire, ce subside ? Parce que ce subside, je veux dire, les subsides, on sait bien en général... que ça vous fait rentrer dans une boîte, voyez, et que si vous voulez être libre de faire comme vous avez envie, on va pas demander les subsides parce que du coup ça rend libre aussi de créer comme on a envie, quoi, voyez. C'est un peu cette. On peut te répondre très bien. Pour ça, par rapport à notre parcours et notre expérience, les 3 premiers spectacles qu'on a créés à deux et avec d'autres, la tragédie comique du vent des fantômes au bord de l'eau. Où on était avec plusieurs autres intervenants, évidemment, hein, créateurs de masques, costumiers, scénographes, assistants, directeurs d'acteurs, régisseurs-acteurs. On n'a jamais eu de subvention. On a tout fait comme ça. On n'avait même pas de coproduction. On voulait tout être complètement indépendant. Au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, on conçoit beaucoup... à deux, même si les régisseurs sont acteurs aussi avec nous, du Vent des Fantômes, on est 4 par exemple, on a dit on va ouvrir, on va faire des spectacles avec plus grande équipe. À partir du moment où on fait des spectacles avec plus grande équipe, ce qu'on a fait avec Voyage et L'Heure et la Seconde, même avec le Café du Port, qui était une autre expérience encore, il faut payer les gens. Nous, on a comme principe de payer les gens en répétition. Et en représentation, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies qui n'ont peut-être pas la possibilité ou qui fonctionnent autrement. Nous, c'est tout le monde est payé et on est payé en général tous de la même manière. On ne peut pas fonctionner sans subvention si on fait ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a demandé des subventions à partir de 2006 parce qu'on avait l'intention de créer des spectacles, ce qu'on a fait pendant 10 ans. Là, maintenant, on a refait un spectacle où on est les 2 principaux concepteurs, plus un régisseur-acteur, plus un créateur lumière-son. Et le prochain, Apparition, on ne sait pas encore. Et le prochain, Apparition, qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, le prochain spectacle s'appelle Apparition. Voilà. On ne sait pas encore. Voilà. C'est un nouveau mouvement. C'est un nouveau mouvement? C'est un nouveau mouvement, mais on a besoin de... Si on veut pouvoir être libre dans la création, il faut quand même un minimum d'économie, quoi. Enfin, un minimum de soutien. Ouais, si on veut... voilà. En tout cas, si on veut payer les gens, comme tu dis, si tout ça, évidemment. Ouais. Mais je veux dire, la création, on est d'accord que c'est pas comptable, la création. C'est parce qu'on ramène ça à une politique avec du on est dans un monde où il y a du matériel aussi, un minimum. Mais je veux dire, si on s'évade un petit peu, si on décolle un peu, mais je veux dire, la création en tant que telle, vous voyez, la création, il n'y a pas besoin d'argent pour créer. Si, il y a besoin d'argent pour créer. Désolée, il y a besoin d'argent pour créer. Ça, tu dois payer les salaires des gens qui travaillent avec toi. Donc évidemment, on en fait un travail. Comprenez-moi bien. Mais... Bon, peut-être on... Non, mais bien sûr que... Ce qu'on peut dire, c'est que quand on crée, on n'est pas payé à mesure de ce qu'on crée, effectivement, ou à la mesure de ce qu'on crée. On travaille tout le temps, on écrit, on prend des notes, on répète, on refait des trucs, on n'est pas tout le temps en salle de répétition, on le fait dans un café, dans un train, tout ça n'est pas payé. Oui, ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est pas ça que je dis, hein. C'est pas encore ça que je dis, moi. Ah, oui. Parce que ça, je dirais, ben oui, ça, c'est un travail créatif, mis dans une société donnée, avec des biens matériels parce qu'il faut bien manger... Mais moi, je regardais ça un peu plus sur le côté, quoi. Genre, la création, pour être créatif, il n'y a pas besoin d'argent. Je sais que c'est pas peut-être le bon lieu, parce que justement, on vous est en demande, justement, de ces questionnements par rapport à ces subsides. Oui, on a envie de dire... On peut créer... moi, je joue du piano. Bon, depuis, j'ai fait le conservatoire... chez moi, à Avignon. Non, mais vous comprenez ma question. C'est deux choses différentes. Moi, je crée de la musique chez moi. Et ce n'est pas mon métier. Et donc, je ne suis pas payé. On est d'accord. Mais est-ce que je suis un artiste? Est-ce que j'ai la rencontre avec le public? Et là, on est obligé de se confronter à la rencontre du public. Elle se fait dans des lieux extérieurs, intérieurs, des théâtres. Toutes formes de lieux qui s'inventent encore aujourd'hui. Mais là, on est obligé de rentrer dans une production, d'être dans la société. On ne peut pas être hors de la société totalement, et tous les jours et tout le temps. Mais parce évidemment, que sinon, ben, peut-être la société, c'est plus compliqué. Après, oui, on peut créer. La matière du théâtre, on peut avoir une idée, on peut créer une idée d'une séquence de théâtre, d'une particule théâtrale qui peut durer, je sais pas, même 2 minutes. Mais si on veut la faire exister, l'essayer, la tenter, la regarder, l'analyser pour pouvoir l'écrire, pour pouvoir la corriger, il faut se retrouver quelque part, il faut des projecteurs, il faut un lieu dans lequel il y a du silence, il faut le temps de placer les choses, de placer son corps dans l'idée de l'essai qu'on va faire. Donc il faut être dans un environnement extrêmement précis. Et puis après, il faut aussi du public pour tester cette particule qui dure 3 minutes, pour la connecter à des autres êtres humains et de voir si l'art vibre, s'il y a quelque chose qui émane et qui est dans les vibrations de l'art. Et non pas juste une représentation comme ça de sa propre personne, que ça dépasse ça. Mais il faut des projecteurs, il faut quelqu'un qui puisse le pointer, ce projecteur. Il faut des gens, s'il y a du son, il faut des gens qui ce sont tous des métiers différents qui se mettent ensemble. Et vous ne pouvez pas demander à ces personnes, pour nos beaux yeux, pour les beaux yeux de l'art, de venir pendant 3 jours pour faire une séquence qui va durer 3 minutes, pour faire un essai d'écriture, qui est peut-être l'embryon de tout un spectacle et de tout un travail qui va se dérouler pendant 5 ans. Donc, et où on va faire ça? Pas dans le métro. Donc il faut taper à la porte de quelqu'un qui a un lieu et qui va nous dire ça coûte autant pour une journée. Et les régisseuses, les régisseurs, tout ça, ça va coûter autant. Philippe va faire un budget et cet essai. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça coûte réellement de faire un essai comme ça. Donc, c'est créé. Ça, c'est créé. Après, tout ce qu'on fait avant ça, c'est une recherche intérieure pour pouvoir avoir le comment dire, que la recherche soit validée artistiquement. C'est-à-dire qu'on est sur un papier, dans nos têtes, dans la chose, quelque chose de concret à faire pour que quand on le fait, eh bien que ce soit vraiment un vrai essai. Et ça, quand on budgétise ça, on ne s'imagine pas ce que c'est comme argent. La fois passée, on a dû, c'était voyage ou je sais pas, un spectacle. On nous demande de jouer un voyage. Il y avait beaucoup de mois où on n'avait pas joué. Ou je ne sais plus quel spectacle c'était. On a dû louer un local pour répéter. C'était voyage. On était 7 ou 8 dans voyage. C'était donc assez compliqué. Donc il faut réunir les gens, pas 2 jours, hein, parce que 2 jours c'est quoi? Non, c'était 5 jours pour se remettre dedans, pour que l'équipe soit de nouveau cohérente, parce que nous on accorde beaucoup d'importance sur l'humain. On mange pas des sandwichs comme ça, nous. Donc on se fait bien manger, que la vie pendant qu'on travaille soit une qualité. Parce que oui, l'esprit, le corps, les relations entre les gens sont aussi dues à cette recherche de la beauté, cette recherche de l'harmonie, de pour que les choses se passent entre les gens. Eh ben, je crois que c'était, je sais pas, ça a coûté 15 000 euros pour pouvoir aller jouer un spectacle, pour que ce spectacle, quand on arrive dans le théâtre, il soit tel que nous on le souhaite et que ce soit pas juste un contrat qu'on fait, qu'on se réunit la veille du spectacle, on fait vite le texte comme ça, on le joue. Non, il n'y aura pas cette vibration humaine. Donc pour ça, on a été obligé, dans cette circonstance-là, de dépenser une somme telle qu'elle est. Et là, ça s'est créé. Mais c'est un investissement. Voilà. Et puis, peut-être je vais donner juste un chiffre. Il y a des chiffres qui parlent et il y a un rapport qui a été fait en France sur à quoi sert la culture et qu'est-ce que ça rapporte. 7 fois plus que l'industrie automobile. 7 fois plus que l'industrie automobile. En France, hein. En France. Ça date de quand, ça? Il y a janvier 2014, donc il y a 10 ans. 57,8 milliards d'euros dans le PIB français. 7 fois plus que l'industrie automobile qui pollue. Aussi. Donc, voilà. Donc, pourquoi? À quoi sert une subvention? Elle sert à investir et à rapporter de l'argent à l'ensemble du pays, à l'ensemble des êtres humains qui sont dans ce pays, aux citoyens. Oui, mais là, on est occupé à parler, j'entends bien ce que vous dites, hein. On est occupé à parler d'aspects comptables. Et évidemment, c'est pour ça qu'on se rencontre aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu le subside quoi, qui vous permette de continuer à faire fonctionner la fabrique imaginaire. Mais je veux dire, aller voir un spectacle... C'est pas simplement une question, c'est pas une question uniquement une question d'argent, quoi. C'est ça que je veux dire aussi. C'est là que j'ai essayé de vous emmener aussi, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une question. Après, il y a ça pour. S'il n'y a pas d'argent, la fabrique imaginaire ne peut pas fonctionner. Offrir quelque chose de la fabrique, le théâtre, c'est un art vivant. Ça veut dire que ça demande la réunion de vivants ensemble. Mmh. Ce sont des êtres vivants qui se mettent ensemble. Certains qui ont préparé une soirée, d'autres qui viennent recevoir l'offrande de cette soirée. C'est cette préparation-là dont on parle. Si on ne pense pas à la préparation, si on ne tient pas compte de la préparation, elle n'est pas que comptable, évidemment, puisque c'est de la création, c'est de l'art qu'on prépare. Mais si on ne peut pas offrir ce cadeau-là au public, à cette réunion d'êtres humains qui viennent le soir, à l'heure des fantômes, échanger, être ensemble, échanger leurs vibrations et leurs atomes, ben, il n'y a pas d'art. C'est du spectacle vivant. On n'écrit pas un roman toute seule dans sa chambre. Rien à voir, c'est du spectacle vivant. On ne fait même pas un film où ils iront voir le film 3 mois après qu'il a été tourné. Non, c'est à l'instant que ça se passe. C'est à cette heure-là, on va dire 20h30, à 20h30, réunion d'êtres vivants, tous ensemble, pour passer un moment extraordinaire, hors du réel, dans le réel, à partir du réel, en utopie du réel. Et ça doit se préparer. D'ailleurs, par exemple. Ça, moi, je dis pas le contraire, hein, je suis d'accord. Je dois vous quitter parce que, réellement, je vais chercher la camionnette du théâtre à Wavre, au garage, pour qu'elle soit prête pour les tournées. Voilà. Voilà. Truc bien concret. Par exemple, c'est concret. Donc, non, voilà, c'est la concrète, donc concrète. Je vous remercie. Et t'as envie de rajouter ou de dire quelque chose? Non, ça va. C'est comme ça, ça là. C'est naturellement. Ok. Ouais. Merci, Yves, alors. Hein. Oui, merci beaucoup. Oui. Raphaël, bisous, bisous. Raphaël, allez, on continue alors. On est à 40. Ouais. Il reste 10, 15 minutes pour dire les choses qu'on n'a pas dites ou de répéter des choses qui sont essentielles. Non, ce qui est essentiel, c'est qu'on défend un projet artistique. Voilà. Donc, évidemment, on a besoin d'argent. Mais au-delà de l'argent, et ce qui est, moi, je crois, le plus important, c'est qu'au-delà de l'argent, dont on a besoin, encore une fois, on l'a expliqué, pour avoir une structure qui permet de c'est cette création artistique. Et moi, je conseille, et je dis aux gens, venez voir les spectacles de la Fabrique Imaginaire. Venez voir ce que Eve Bonfanti et Yves Enstadt proposent, ont écrit, ont pensé depuis des années, parce qu'il y a un lien tout le temps entre ces spectacles qui à la fois tend vers l'imaginaire, hein, c'est le titre de la compagnie, mais qui part du réel, et comment on malaxe le réel, comment ils arrivent à malaxer le réel, l'imaginaire, pour tendre vers un avenir meilleur, une utopie, une façon de penser, d'avoir un regard aussi sur le monde, sur ce qu'on est, mais différent, un pas de côté. Et puis en plus on rit, donc quoi de plus beau que de rire au théâtre avec plein de gens autour de nous aussi. C'est une rencontre, un théâtre, et les théâtres sont subventionnés aussi. Pourquoi ils sont subventionnés? Sinon le prix des places serait exorbitant. Sinon, ça s'appelle du théâtre privé. Et même le théâtre privé est un peu aidé par l'État. Et heureusement, et l'art est aidé. Les musées sont aidés. Sinon, ce n'est pas possible. À moins de revenir peut-être aux hommes des cavernes et aux femmes des cavernes. Au début du Covid, avec l'art et la culture ne sont pas essentiels. Ce ne sont pas des éléments essentiels du monde et de la société. On l'a entendu. Tu dis ? J'ai dit, on l'a entendu, tout le monde l'a entendu. Hein. C'est aussi. Ouvrir les librairies, vous vous rendez compte ? On ne pouvait pas ouvrir les librairies, parce qu'il y avait le Covid. C'est essentiel, les livres. Pour toi ? Mais non, c'est pas vrai. Là, non, mais... là aussi, on fait croire que c'est élitiste, tout ça. Mais c'est pas du tout élitiste. Je peux vous assurer que les gens qui viennent voir La Fabrique Imaginaire, c'est pas que des profs. Hein. C'est pas vrai. Hein. Et ce n'est pas des profs qui ont fait 5 ans ou 10 ans d'études. Ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est souvent d'ailleurs les directions de théâtre qui pensent que c'est tel spectacle est fait pour tel public, pour mon public. Mais ce n'est pas vrai du tout. Aller amener... Quand c'est beau, c'est beau. Quand l'art est beau, l'art est beau. Quand l'art est intelligent. Et donc, s'il est intelligent, il est compréhensible. C'est quand ce n'est pas bien fait que c'est incompréhensible. Et que là, il faut être peut-être avoir fait Bac plus 10 pour comprendre ce que l'artiste ou les artistes voulaient dire. Mais parce que c'est mal fait. Mais si c'est bien fait, ça touche directement. L'art, le livre, ça touche directement. Alors, des fois, c'est un peu plus compliqué, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui n'est pas plus compliqué? Est-ce que tout le monde sait bien planter un clou? Ben non, c'est aussi compliqué de savoir planter des clous droits. Et ben, dans l'art, c'est pareil. Donc des fois, il faut planter 15 clous de travers pour en planter un droit. Et ben, il faut peut-être aller voir 15 pièces de théâtre pour que l'accessibilité, intellectuellement peut-être parlant, soit plus simple. Mais ça peut être du premier coup aussi. Donc non, il faut pas dire c'est pour les élites. Ça, moi je n'y crois pas. Et dire il y a eu. Non mais Philippe, c'est pas. Enfin là on s'égare un peu, mais c'est parce que c'est moi qui titille un peu. Mais je veux dire quand on dit bon, moi je c'est pas moi que vous devez convaincre que l'art est essentiel, que la culture on en a besoin, que c'est vital, etc. Mais quand on regarde un peu comme ça, ben on voit aussi que c'est un certain public qui va au théâtre. Je veux dire, il y a des gens, ils cumulent 3 boulots, ils n'ont pas le temps d'aller au théâtre ou c'est trop cher pour leur bourse parce que c'est vraiment ras des pâquerettes, quoi. On est vraiment aussi de plus en plus dans une société où il y a les riches, les pauvres, là, et ça s'accentue de plus en plus fort, quoi. Voilà, mais ça, c'était... Non, mais tu as raison, et je rebondis là juste là-dessus. Mais ça, c'est des, et ça, alors ça, c'est l'émission de l'État de créer des politiques culturelles. On n'en parle pas de ça, tu vois, mais moi, j'avais aussi envie de dire... La politique culturelle, elle est lamentable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est moi qui le dis, je veux dire... on parle... Enfin, je ferai un prochain micro vert là-dessus parce qu'on n'arrête pas de parler de la crise, que c'est normal, il faut choisir, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde aujourd'hui, on choisirait les petites compagnies, les plus vieilles, bon, ben, débrouillez-vous. Mais c'est carrément la politique menée avec cette culture qui est carrément catastrophique, quoi. Quand on sait qu'il y a l'évasion fiscale qui fait 12 milliards, on s'attaque à quoi? Comment est-ce qu'on... Enfin, voilà, moi, je trouve que ça, on en parle très peu ici autour de cette table, évidemment. Mais moi, je trouve que c'est fondamental, quoi. Parce que du coup, il n'y aurait pas besoin... Vous demandez quoi? C'est risible, sans 100 et des 1000 euros pour faire fonctionner une compagnie qui fait un travail. Alors, je vous dis, on n'est pas copains, mais j'ai vu un peu votre travail. C'est formidable, ce que vous faites, quoi. C'est fou. Il y a une phrase, d'ailleurs, on ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. C'est quoi? Important à dire, en fait, c'est pas 12 milliards, c'est le double, un peu plus que le double, 30 milliards en fait d'évasion fiscale en Belgique. Et ça date de 2014, le chiffre de 12 milliards. Donc on est en 2024, voilà, tout est dit, quoi. C'est la question de la recherche, de l'art qui ne s'arrête jamais, qui est un continuum, c'est ce dont on parle dans notre dernier spectacle, Détouré aux digressions. C'est ça qu'on raconte au public, qu'on essaye de faire passer. C'est que le théâtre, l'art vivant, ce n'est pas toujours, ça peut être ça. Il y a une biodiversité qu'on peut tout à fait, qui est importante et respectable. Mais en tout cas, l'art comme nous on le pratique, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui se recherche toujours, qui est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, on peut aller plus loin. Il n'y a pas de fin à ça. Ça n'existe pas une fin. C'est une fin parce qu'à un moment donné, il faut bien libérer le public parce qu'il est 22h30. Mais sinon, il n'y a pas de fin. Mais c'est ça que je voulais parler, qu'on ne s'est pas très bien compris sur l'argent. Je veux dire, ça n'est pas quantifiable. Non, par contre, que vous ayez envie d'en faire votre métier, de le faire partager, ben là, on est dans une société matérielle et obligatoirement, il faut des moyens pour fonctionner. Mais tu comprends? Il ne faut pas que ça. Il faut... Non, non, non, non, ça, je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Il faut de l'argent pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on ne fasse pas ça rien que pour nous, cette recherche qui ne s'arrête pas. Cette fait qu'on peut réécrire un roman pendant 10 ans de sa vie, qu'on l'écrit, qu'on le reprend, qu'on fait un film, qu'on a envie de le remonter, parce que c'est ça les artistes, qu'on fait un tableau, on repeint sur le tableau, et on recommence, et on recommence, et on recommence, et on tourne autour du même sujet, et on fait, et on fait, et on cherche, et on va de plus en plus loin, et on ouvre de plus en plus. Et c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus cosmique, c'est de plus en plus énorme, mais pour que ça puisse se partager... Là, il n'y a rien à faire. Il faut pouvoir le partager dans un lieu. C'est ce que je viens de dire. Hein. Et donc, il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens pour ça. Donc, on se comprend. Oui, tout à fait. C'est compris. Oui, oui. Pour ça, il faut des moyens. Sinon ce n'est pas pour faire ça toute seule dans sa chambre. Okay. Non, voilà. Mais ça, moi, je ne disais pas. Mais la création dont tu parles, c'est ça qu'on disait à un moment donné. C'est pas quantifiable, quoi. Ce truc-là, ça ne s'arrête jamais, comme tu dis. Et là, on est d'accord. C'est pour ça qu'on met aussi beaucoup d'années. On prend beaucoup de temps et beaucoup d'années pour faire un spectacle et qu'on ne veut pas entrer dans un mode de production qui est on veut faire 3 spectacles par an ou on veut faire 6 spectacles sur un contrat de 5 ans. Non, non. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On veut rentrer dans un sujet, on veut se plonger dans un sujet, on veut se plonger dans la création et on veut faire échanger avec les gens pour leur dire que c'est ça la vie, que la vie, c'est, l'art, c'est comme la vie. Ça bouge, c'est en mouvement, c'est tout le temps. On peut revenir voir le spectacle, le revenir encore. On peut y revenir comme public 2 fois, 3 fois. Beaucoup de gens viennent d'ailleurs voir et revoir ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est pas immuable. C'est quelque chose qui est en mouvance, comme tout. Il n'y a rien qui s'arrête, d'ailleurs, dans la vie, dans le cosmos. Ça ne s'arrête pas, ça tourne. Et c'est ça qu'on défend aussi. Et on défend autre chose, on en parlait ce matin avec le journaliste, une chose très importante qu'on défend dans nos spectacles. On refuse de faire des spectacles et d'écrire des spectacles, de concevoir des spectacles où il y a du conflit. Et ça, c'est capital aussi, absolument capital. Parce que dans les écoles de scénario, dans les cours de scénario, dans la Bible du théâtre, la première chose qu'on dit aux gens qui veulent écrire, aux scénaristes, aux dramaturges, il faut un conflit pour faire un bon scénario. Et ça, c'est de la... moi, je trouve ça dangereux. Je trouve ça de la folie. Parce que quand on raconte des conflits, on transmet le conflit. Et on le transmet au public et on le transmet aux autres générations. Nous, dans nos spectacles, il n'y a pas de conflit. Et je vous assure que c'est difficile, effectivement, de faire des spectacles où il n'y a pas de conflit. Et que c'est hors du commun. Il suffit d'ailleurs d'aller voir le dernier film de Wim Wenders pour savoir qu'il a réussi une œuvre magistrale où il n'y a pas de conflit. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Perfect Days. Et s'il n'y a pas de conflit, à quoi alors, j'ai envie de dire ? La vie. La vie. Un hommage à la vie. Envie de terminer, toi, par quelque chose ? Ce que tu nous donnes la parole, donc on l'a prise. Je crois qu'on a bien expliqué ce qu'on était déjà, parce que nous sommes des êtres vivants, hein, qui continuons à vivre. Et on défend, oui, une certaine idée de l'art, du théâtre, de la rencontre avec le public, puisque après chaque spectacle, Eve et Yves, et si moi j'y suis aussi pendant ce spectacle-là, ben, on rencontre le public, on discute avec le public, on écoute les remarques, on écoute les attentions, pourquoi vous avez dit ça ? Et tout ça, ça nourrit, ça continue de nourrir l'écriture, les projets. La, et donc, c'est ça, c'est ce que dit Eve, c'est très important, c'est qu'on est on évolue tout le temps, on avance tout le temps. Des fois, on recule, mais on avance finalement. Et en fait, on est toujours en mouvement. Et c'est ça qu'il faut laisser vivre encore. Et puis, effectivement, la fabrique imaginaire, une façon de penser le théâtre, de vivre le théâtre et de vivre la vie et de penser la vie un peu à la marge, un peu à côté. Mais c'est super, c'est très bien. Je crois que c'est ça qu'il faut laisser. Oui, c'est ça qui est important parce que du coup, il y a aussi, comment dire, le fait d'aller faire de la recherche dans votre travail, de prendre le temps, de faire autrement. Du coup, à la finale, ça propose autre chose, quoi. C'est ça aussi. Vous ne rentrez pas dans les cases. Et c'est ça aussi qui est fondamental à comprendre. Et c'est un peu unique, quoi. Hein ? Je pense que c'est... Je ne connais pas assez le métier pour dire que c'est un peu... En tout cas, en Belgique... Bah, peut-être ailleurs aussi, c'est particulier, effectivement. De toute façon, c'est ce qui nous revient à chaque fois. Comment faites-vous et comment osez-vous ? Mais il faut du courage pour faire ça. Il ne faut pas de courage, il faut de la passion. Et il faut défendre oui, un idéal, en fait. Oui, effectivement, on ne gagne pas beaucoup d'argent, même si on a, comme elle dit, des fonds propres. Hein. C'est réinjecté dans la création. C'est tout pour la création, c'est tout pour l'art. Merci à vous deux alors, et vraiment j'espère que ça va se débloquer cette histoire. J'espère. On verra la suite. Ouais.